الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع باب الجنابة ومع معنا اليوم الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Donc toujours le chapitre de Al-Janaba. Donc le deuxième hadith, Aisha radiallahu anha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les grandes ablutions, il lavait ses deux mains. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite, donc, il se lavait et il frictionnait ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses mains, ou bien avec ses doigts, jusqu'à ce qu'il voie qu'il avait... Donc fait arriver l'eau à l'eau de son crâne sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir fait cela, il versait de l'eau sur sa tête trois fois et après cela il lavait le reste de son corps. Aïcha nous dit, nous faisions les grandes ablutions, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un même récipient, et chacun d'entre nous donc prenait de l'eau de ce récipient. هذا الحديث وكذلك الحديث الذي سيأتي معنا حديث ميمونة يشرح لنا ويوضح لنا كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. إذن تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا يدل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذه الكيفية لأنها قالت كان إذا اغتسل من الجنابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر من حالته أنه كان يلتزم هذه الكيفية كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يده فأول شيء يفعله المغتسل يغسل يديه وسيأتينا في تفاصيل أو تفاصيل أخرى في الحديث الثالث يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره يعني يحرك أو يخلل يدخل أصابعه داخل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يعني أوصل الماء إلى بشرة الرأس فإذا ظن ذلك يفيض على رأسه الماء ثلاث مرات ثم يغسل سائر الجسد هذه هي كيفية الاغتسال بالجملة فإذا الإنسان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فسيأتينا في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده فالإنسان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء Donc, le hadith de Aïcha radiallahu anha, il nous montre la manière donc de faire les grandes ablutions. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les grandes ablutions, il se lavait les mains. Donc elle nous parle de la manière donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus régulièrement. Donc la manière que d'habitude il adoptait pour faire les grandes ablutions. C'est pour ça qu'elle a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce hadith et le hadith qui vient, le hadith de Maymouna, sont les deux hadiths donc sur lesquels les savants se basent donc pour expliquer la manière de faire les grandes ablutions. Donc la première chose que fait la personne en avant de faire les grandes ablutions, ou bien au début, elle se lave les mains. Donc avant même de les rentrer dans un récipient, la personne se lave les mains. Ensuite, elle prendra de l'eau du récipient. Et donc après cela, la personne fait ses ablutions comme pour la prière. Donc le fait de se laver le visage, al-madmada, al-istinshaq, et également se laver les deux avant-bras jusqu'aux coudes, ensuite de se passer les mains sur la tête et de se laver les pieds. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionnait ses cheveux avec ses mains jusqu'à ce qu'il sente que l'eau était arrivée au cuir chevelu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau sur sa tête 3 fois et ensuite il lavait le reste de son corps. Donc ça, d'une manière générale, c'est la manière de faire les grandes ablutions. الغسل غسل الجنابة نوعان نوع مجزي ونوع كامل النوع الكامل هو الذي وصفته لنا عائشة رضي الله عنها وكذلك كما ستصفه لنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فيكون لي غسل اليدين والوضوء وتخليل الشعر وإفاضة الماء على الشعر وغسل الجسد هذا هي الصفة الكاملة وهي التي كان يوظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هناك صفة مجزئة يعني لو فعلها الإنسان تكفي له وهو أن يعمم بدنه بالماء مثلا شخص عليه جنابة ينوي رفع الحدث ثم ينغمس في النهر مثلا بدون أن يغسل يديه ولا أن يتوضأ ولا أن يخلل شعره ولا أي شيء ينغمس كاملا في النهر ثم يخرج هذا غسل صحيح؟ صحيح مجزي ولكن الأول أفضل الأول أفضل مثل الوضوء هنا وضوء مجزي هناك وضوء كامل هناك صلاة مجزئة هناك صلاة كاملة فمن يأتي بالسنان وبمستحبات الصلاة فصلاته أفضل كذلك هناك حج مجزي وهناك حج كامل فمن أتى بسنن الحج ومستحباته فحجه أفضل فكذلك الغسل هناك صفة مجزئة هناك صفة كاملة إذن المجزي هو أن ينغمس إن شاء الله أن يعمم بدنه بالماء في البحر أو في الماء الجاري أو غير ذلك Donc en ce qui concerne le ghusl, il y a deux manières de faire le ghusl. Nous avons une manière complète, donc c'est la manière qu'a expliqué Aïcha radiallahu anha, et que nous allons voir également dans le hadith de Maymouna radiallahu anha. Donc c'est le fait de se laver les mains, de faire les ablutions, le fait de se frictionner les cheveux, etc., etc. Ça c'est la meilleure des manières, donc c'est la manière que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une manière que l'on appelle mujzi'a, c'est-à-dire qui une manière, on va dire acceptée, qui permet à la personne de n'être plus en état de janaba. C'est le seul fait donc que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Admettons une personne qui serait en état de janaba, elle aurait l'intention donc de faire les grandes ablutions et elle plongerait dans la rivière par exemple, ou bien dans la mer. Ça on le dit, le ghusl, il est valable. Mais la personne n'aura pas la même récompense que si elle avait fait toutes les choses recommandées que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme toutes les adorations. Nous avons le wudu acceptable et le wudu parfait. La prière acceptable et la prière parfaite. El hajj, el siyam, etc., etc. Donc plus la personne fait ses adorations d'une manière proche de la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la récompense est grande. Donc c'est pareil ici pour el ghusl. إذن بعد تخليل الشعر أو حد ونهاية تخليل الشعر وأن يرى الإنسان أن بشرته قد أرويت يعني وصلها الماء فإذا تيقن الإنسان من ذلك يعني يفيض على رأسه الماء بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء لأن غسل الجنابة على الرجل وكذلك على المرأة إن كانت المرأة إن كان شعرها يعني غير مضفر يعني مطلوق فهذه مثل الرجل لا بد أن تصل الماء إلى أصل الشعر مفهوم إلى بشرة الرأس ولكن إن كانت ذات ظفائر لا يجب عليها أن تفكها لا يجب عليها أن تفكها فثبت في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على رأسك الماء فتطهرين هذا خاص بالمرأة التي شدت ظفائر يعني في رأسها donc en ce qui concerne le fait donc de frictionner les cheveux, il faut que la limite à cela soit que lorsque la personne s'aperçoit que l'eau a atteint le cuir chevelu. L'homme est comme la femme pour cela. Donc la femme également, lorsqu'elle doit faire ghusl janaba, il faut qu'elle frictionne ses cheveux jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que l'eau a atteint le cuir chevelu. Il y a une exception à cela, c'est la femme qui aurait des nattes. La femme qui a des nattes donc dans ses cheveux, il ne lui est pas demandé de les défaire pour faire ghusl janaba. Umm Salama radiallahu anha, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit « Ô prophète, je suis donc une femme qui possède des nattes. Est-ce que je dois donc les défaire pour faire les grandes ablutions ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non. Il te suffit donc de verser sur ta tête de l'eau trois fois et ensuite, ou bien de verser trois poignées d'eau sur ta main, sur ta tête, ensuite de verser de l'eau sur ta tête et à ce moment-là, tu auras fait les grandes ablutions par rapport, donc par rapport à la tête. Il ne lui est pas demandé de défaire et de démêler ses nattes. Il lui suffit de verser de l'eau dessus. Et donc si la femme n'a pas de natte, elle est comme l'homme, il faut absolument qu'elle fasse atteindre l'eau, le cuir chevelu. ثم بعد ذلك بعد تخليل الشعر الانسان يفيض على راسه الماء ثلاث مرات فياخذ الماء ويفرغ على راسه الماء ثلاث مرات ويبدا بالشق الايمن من الراس كما ثبت ذلك في بعض الروايات الانسان يعني يفرغ على رأسه الماء ثلاث مرات ويبدأ بالشق الأيمن. Donc ensuite la personne après avoir frictionné ses cheveux, elle verse de l'eau sur sa tête trois fois, en commençant par le côté droit, comme cela est cité dans certaines versions du hadith. Et donc après cela, la personne lave le reste de son corps. Le fait de laver le reste du corps, ça veut dire laver le reste du corps qui n'a pas été lavé. يغسلوا سائر جسده الذي لم يغسل. فالإنسان إذا مثلا توضأ وضوءه للصلاة قد غسل يديه إلى مرفقين، قد غسل وجهه، قد غسل رجليه، مفهوم؟ فيغسل ما تبقى من جسده. الإنسان يغسل ما تبقى من جسده، ولا بد من الاقتصاد بالماء. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع هو خمسة أمداد، المد هو هذا، فأربعة مثل هذه يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا حديث أنه كان يعني وفير الشعر، ومع ذلك كان يقتصد على الماء صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait cela, il donc lavait le reste de son corps. Ce que veut dire laver le reste de son corps, c'est laver les endroits qui n'ont pas été lavés pendant les étapes précédentes. Donc si la personne a fait ses ablutions avant, elle a forcément lavé donc ses avant-bras, elle a forcément lavé son visage, lavé ses pieds, elle a également lavé la tête. Donc là, la personne se contente de laver ce qui n'a pas été lavé pendant les étapes précédentes. Et donc il faut absolument que la personne économise l'eau lors des grandes ablutions, également pendant les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions avec ce que l'on appelle al-mut, c'est-à-dire parce qu'on met ses deux mains regroupées, si on verse de l'eau dans ses deux mains, cela suffisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire les ablutions. Et pour le ghusl, quatre fois cette quantité-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, avait les cheveux longs, et malgré cela, il économisait l'eau, car il connaissait donc la valeur de cette chose précieuse. ثم تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا يدلنا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وفي مكان واحد، يعني نقول كنا نغترف منه جميعا، وهذا يقتضي رؤية كلا الزوجين للآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى عائشة رضي الله عنها وهي تراه صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. وكذلك لا إشكال في حكم الاغتسال عريانا يعني وحده في الخلوة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. التستر أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. والحديث حسن وليس في البخاري هذا. وأورد البخاري رحمه الله قصة موسى عندما اغتسل يعني عريانا وحده. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ومجموعين، كان ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل ابتعد منهم ولم يغتسل معهم. فقالوا إن موسى لا يريد أن يغتسل معنا لأنه آدر معناه يعني منتفخ الخصيتين. فقالوا لابد أن يكون هناك تشويه في جسد موسى حتى يرفض أن يغتسل معنا ولكن السبب الحقيقي أنه كان موسى يعني صاحب حياء لا يريد أن يرى عورات الناس ولا أن ترى عورة عليه السلام فيوما من الأيام ابتعد عن الناس واغتسل ووضع ملابسه على حجر وضع ملابسه على حجر وهو عاري ففر الحجر واش كتعرفوا الحديث هذا ها كتعرفوا الحديث هذا ولا اول مره كتسمعوا ففر الحجر الحجر فر بملابس موسى عليه السلام فاتبعه موسى عليه السلام حتى مر بقومه فرأى قومه أنه يعني سليم الجسد ثم أدرك الحجر وأخذ ملابسه وضرب الحجر بعصا هذا الحديث البخاري الشاهد أنه كان يغتسل يعني وهو عريان ولا إشكال في ذلك كذلك هناك حديث عن أيوب عليه السلام أنه كان يغتسل يعني عاريا كذلك دونك عائشة رضي الله عنها elle nous dit que nous faisions les ablutions moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul et même récipient et chacun d'entre nous prenait de l'eau donc avec sa main donc il est permis à l'homme de faire les grandes ablutions avec sa femme donc et il n'y a aucun problème à cela également cela suppose le fait donc que chacun des deux époux voit la nudité de l'autre et il n'y a également aucun problème à cela et il est également permis donc de prendre de se laver nu même si le fait de se couvrir est mieux encore du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah ahaqqu an yustahya minhu min an-nas Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus que l'on n'ait honte de lui que le reste des gens. Et donc ça c'est le degré le plus haut, le fait de se couvrir même lorsque l'on est seul. Et donc l'imam Bukhari rahimahullah dans son livre Sahih, il a intitulé un chapitre Babu man irtasala 'uryanan wahdahu fil khalwa, celui qui fait les grandes ablutions seul ou bien nu lorsqu'il est seul. وَمَنْ تَسَتَّرَ فَتَسَتُّرُ أَفْضَلُ et celui qui se recouvre, cet acte est encore mieux. Donc, du fait que le professeur Salam, comme nous l'avons dit, a dit « Allah mérite plus que l'on ait honte de lui que le reste des gens. » Et il a cité le hadith de Moussa alayhi salam lorsque donc il s'éloignait de son peuple pour se laver. Donc le Banu Israël lorsque ils se lavaient tous ensemble. Et donc chacun voyait la nudité de l'autre. Moussa alayhi salam, du fait qu'il était prophète et qu'il avait les meilleures qualités, il s'éloignait de son peuple pour se laver. Et les gens de Banu Israël, ils ont commencé à parler sur lui en disant Moussa alayhi salam ne veut pas se laver avec nous parce qu'il a forcément un défaut sur son corps. Il a forcément un défaut sur son corps. Et Moussa, un jour, il était en train de se laver. Il était nu et il avait posé ses vêtements sur une pierre. Et cette pierre s'est enfuie avec les vêtements de Moussa alayhi salam. Et Moussa donc a commencé à essayer de rattraper cette pierre. Et il est passé devant son peuple qui ont constaté que Moussa alayhi salam n'avait aucun défaut sur son corps. Mais que la chose donc qui l'empêchait de faire cela avec eux, c'était donc la pudeur. C'était la pudeur, et donc Moussa a rattrapé la pierre et a repris ses vêtements et a frappé la pierre avec son bâton. Et certains disent que c'est la cause de la Les gens ici citent ce hadith dans le verset de Sourate Al-Ahzab, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Moussa. فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها juste à la fin de sourate Al-Ahzab ناخذ الحديث الذي بعده عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيده. Le hadith qui suit, Maymouna bint al-Harith, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé l'eau pour faire les grandes ablutions. Il a alors versé sur sa main, il a alors versé avec sa main droite sur sa main gauche, deux fois ou bien trois. Ensuite, il a lavé ses parties intimes. Ensuite, il a tapé sa main sur la terre ou bien sur le mur, deux fois ou bien trois fois. Ensuite, il a lavé sa bouche et son nez. Ensuite, il a lavé son visage et ses avant-bras. Ensuite, il a versé de l'eau sur sa tête. Et ensuite, il a lavé son corps. Ensuite, il s'est écarté. Donc, il s'est écarté de l'endroit où il s'était lavé. Et il a lavé ses deux pieds. Et Maymouna nous dit: je suis ensuite venu avec un bout de tissu, donc afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'essuie. Falam yuridha, il l'a refusé et il a commencé à sécher l'eau ou bien enlever l'eau avec ses mains, comme ceci. Hada hadithun akhar yatina bi tafasil ukhra li ghusl janaba. Wa tulahidhun anna ightisal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam حكته أمهات المؤمنين، لأنه من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي يفعله في حياته الشخصية في حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. تقول يعني وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، مر معنا ما المراد بالوضوء؟ شنو الوضوء؟ ها؟ شنو معنى الوضوء؟ لا، كان الوضوء كان الوضوء. الوضوء هو الماء الذي نتوضأ به، هذا يسمى بالوضوء. والوضوء هو الفعل. وعندنا السحور والسحور. السحور هو المأكول، والسحور هو الفعل. مفهوم؟ وقيس على ذلك عن الطهور والطهور. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره فأكفأ بيمينه على يساره، هذا واضح، مرتين أو ثلاثا. ثم غسل فرجه، فبعد غسل اليدين الإنسان يغسل فرجه مما قد تعلق به من المني ومن رطوبة فرج المرأة، والمني طاهر وكذلك رطوبة فرج المرأة كلاهما طاهر فليس بنجس. ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه أراد أن يزيل تلك الروائح، ولأجل هذا ضرب يديه في الأرض أو الحائط الذي كان من طين حتى يزيل هذه الروائح. ففي زمننا يعني يمكن الإنسان أن يستعمل أي شيء يزيل الروائح الكريهة، بعد أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم مثلا يستعمل الصابون حتى يزيل هذه الروائح. Donc Maymouna nous explique donc d'autres détails de la manière de faire les grandes ablutions. Et vous remarquerez que donc, ces hadiths ont été rapportés par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car donc, les choses comme al-ghusl font partie de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc personne ne peut nous rapporter cela à part ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé l'eau pour faire ses ablutions. Donc l'eau pour faire les ablutions, on appelle ça el-wado et non el-wado. Donc l'wado c'est l'acte et el-wado c'est l'eau avec laquelle on se purifie. Le prophète a ensuite versé de l'eau avec sa main droite sur sa main gauche, deux fois ou bien trois fois. Ensuite, il a lavé ses parties intimes. Donc la personne, elle lave ses parties intimes, donc de ce qui a pu toucher cet endroit-là, comme sperme ou bien toute autre chose. Et donc le sperme, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est une chose pure, ce n'est pas une impureté. Le sperme, ce n'est pas une impureté. Il va y avoir le hadith qui nous dit, où Aïcha radiallahu anha nous dit, كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ. Également, elle nous dit, أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, c'est-à-dire que Aïcha radiallahu anha, elle lavait les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait du sperme sur ses vêtements. Elle le lavait s'il était Non, c'est pas ça que je veux dire. Si le sperme était donc encore frais, elle le lavait. Et s'il était sec, elle se contentait de le gratter. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une impureté, car si ça avait été une impureté, elle aurait dû le laver dans tous les cas. Et donc, on en parlera plus en détail dans le hadith qui viendra. Donc, après avoir lavé ses parties intimes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappait ses mains contre la terre, ou bien contre le mur. Le but de cela, c'est d'enlever les mauvaises odeurs qui ont pu se poser sur ses deux mains lorsqu'il a lavé ses parties intimes. C'est pour ça qu'il avait ses mains, il posait ses mains sur la terre, ou bien contre le mur qui était également en argile. Et donc, à notre époque, la personne, donc après avoir fait cela, elle peut utiliser le savon ou toute autre chose donc qui enlève les mauvaises odeurs. ثم تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق ومر معنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم تحريكه ثم مجه والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف عن طريق النفس وهذا مستحب ومر معنا في الوضوء مر معنا في الوضوء حكم المضمضة والاستنشاق وذكرنا أن هناك خلاف وإن كان الجمهور رحمهم الله يقولون باستحباب المضمضة والاستنشاق والسنية هنا آكد من السنية في الوضوء لماذا؟ لأن هناك صفة الغسل المجزي وهو أن يعمم الإنسان بدنه بالماء مفهوم؟ والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء الإنسان يتمضمض ويستنشق في الوضوء فإن كان جاز للإنسان أن يغتسل بدون وضوء فقط بالانغماس في الماء فإن سقط الوضوء سقط توابعه فيجوز للإنسان أن لا يتمضمض ولا يستنشق في غسل الجنابة وإن كان المضمضة والاستنشاق الاتيان بالمضمضة والاستنشاق أفضل من تركهما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donc lavé ses parties et avoir lavé ses mains après cela, il a alors fait ce que l'on appelle el madmada et l'istinshaq. El madmada, donc, c'est le fait, comme nous avons vu au début des hadiths concernant les ablutions, c'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche, de la faire bouger à l'intérieur de la bouche et de la recracher. C'est ce que l'on appelle al-madmada. Et nous avons l'istinshaq, c'est le fait de mettre de l'eau dans son nez. On prend de l'eau dans le nez, dans la main, et on aspire cette eau et on la fait ressortir. Et la faire ressortir, ça s'appelle l'istinthar. On avait parlé du statut de cette chose-là dans les ablutions. Est-ce que c'est obligatoire ou bien est-ce que c'est seulement recommandé? En ce qui concerne le ghusl, c'est seulement recommandé. Pourquoi? Parce que le madmada et l'istinshaq font partie des choses liées aux ablutions. Lorsque le prophète sallam, par exemple, il kana yatawadda wa wudu'uhu lis-salat fil ghusl, pendant les grandes ablutions, il faisait les ablutions. D'accord? C'est pour ça que donc il faisait al-madmada ou l'istinshaq. Mais il est permis, et cela sans divergence, de faire les grandes ablutions de la manière que nous avons citée. Le seul fait de remplir son corps d'eau, que l'eau atteigne chaque partie du corps, c'est-à-dire sans faire les ablutions. Si la personne fait seulement l'intention et plonge dans un bassin, ça suffit pour les grandes ablutions. Sans faire les petites ablutions, donc vu que al-madmada et al-istinshaq sont des choses liées aux petites ablutions qui peuvent être délaissées, et ça sans divergence, al-madmada et al-istinshaq également peuvent être délaissées. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Hein? Donc le statut, c'est seulement recommandé. Mais bon, si la personne fait al-madmada et al-istinshaq pendant les grandes ablutions, c'est mieux. ثم غسل وجهه وذراعي كالوضوء سنغسل وجهه وذراعي وحد الوجه من يعني منبت الشعر الى ذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وذراعي كذلك في الوضوء لا بد ان يعيد الانسان غسل اليدين لانه هو الفرض ولكن هنا الفرض هو تعميم البدن بالماء. Donc ensuite le prophète sallam a lavé son visage et ses avant-bras. Donc le visage, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, les limites du visage, donc du début des cheveux, donc en dehors du front, en haut du front, jusqu'au menton, donc dans la longueur, et pour la largeur d'une oreille à l'autre. Donc c'est ce que le prophète sallam lavait pendant les ablutions, pendant les grandes ablutions. Ensuite, il lave ses avant-bras. ثم أفاض الماء على رأسه. ثم أفاض على رأسه الماء. Ensuite, donc, il a versé de l'eau sur sa tête. إذن جمعا مع حديث عائشة قبل إفاضة الماء على الرأس. ماذا نفعل؟ نخلل الشعر. نخلل الشعر. Donc, avant de donc le prophète ensuite il a versé de l'eau sur sa tête, et donc avant de verser de l'eau sur la tête, comme on a vu cela dans hadith Aïcha, la personne frictionne ses cheveux avec ses doigts. Car donc on ne peut pas se contenter d'un seul hadith. Si on veut connaître toutes les choses recommandées dans un seul et même sujet, il faut réunir tous les hadiths. Donc si nous avons une chose délaissée dans un hadith citée dans l'autre, on réunit les deux hadiths et on obtient la meilleure manière d'agir. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. في الحديث الأول حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة يعني وضوءا كاملا. وفي حديث ميمونة غسل وجه تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعي أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى يعني غير المكان يعني ابتعد قليلا فغسل رجليه. طيب لماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن في حديث عائشة رضي الله عنها كانت الأرض نظيفة ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه كاملا وغسل جسده. في حديث ميمونة كان الأرض يعني فيها تراب، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده التراب. فعندما اغتسل اتسخت قدماه صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولهذا تنحى إلى مكان آخر أنظف فغسل قدميه، فغسل قدميه. من العلماء من قال هذه صفة وهذه صفة لا علاقة بالأرض في هذه المسألة، ومن العلماء من علل كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين بمسألة نظافة الأرض. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc il a lavé tout son corps, ensuite il s'est écarté un peu, il a changé d'endroit et il a lavé ses deux pieds. Dans le premier hadith, le hadith de Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a fait les ablutions entièrement. Tawadda awdu lis-sala thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ra. Et ici, il a fait les ablutions sauf qu'il n'a pas lavé ses pieds, et il a lavé ses pieds seulement après avoir lavé tout son corps. Certains savants ont dit que dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, l'endroit où s'est lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam était propre. Donc c'est pour ça qu'il a fait les ablutions sans que ses pieds se salissent. Et dans le hadith de Maymouna, le sol c'était de la terre. Donc c'est pour ça qu'au début justement il a tapé ses mains sur la terre pour enlever les odeurs. Donc après avoir lavé tout son corps, donc il avait les pieds remplis de boue. Donc c'est pour ça qu'il a laissé, il s'est écarté un peu pour ensuite laver ses pieds et finir les ablutions. Car s'il avait fait les ablutions entièrement, ensuite il fait el rousl, il aurait fini les ablutions avec les pieds remplis de terre. C'est clair ou pas? Et certains savants donc ont donné cette explication là, et d'autres ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité a voulu nous montrer deux manières d'accomplir el rousl. Donc la personne a le choix soit de faire les ablutions complètes, soit de laisser les pieds jusqu'à la fin. فأتيته بخرقة فلم يردها أتته بخرقة حتى ينشف النبي صلى الله عليه وسلم أعضاءه فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء رحمهم الله من تمسك بهذا الحديث ورأى كراهية تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل، لابد أن تنتظر حتى تنشف الأعضاء بنفسها. ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينشف أعضاءه. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا يعني جبة فقلبها ثم مسح وجهه بالجبة. الحديث رواه الإمام ابن ماجه. وعن أنس أنه كذلك عائشة تقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي. وكان أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، رواه ابن المنذر. فالإنسان عليه أن ينوع بين الفعلين، أحيانا ينشف الأعضاء وأحيانا يتركها تنشف بنفسها كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Maymouna radiallahu anha, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait ses grandes ablutions, elle est venue avec un morceau de tissu, une serviette, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sèche donc ses membres ou sèche son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu donc la prendre, et il a commencé donc à enlever, secouer l'eau avec ses mains. Certains savants donc ont pris de ce hadith qu'il était déconseillé de se sécher les membres après les grandes ablutions ou bien après les ablutions. Et donc, comme nous disons toujours, il faut toujours réunir tous les hadiths pour comprendre un sujet. Donc, il y a d'autres hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc séchait ses membres parfois. Aïcha radiallahu anha nous dit كان للنبي صلى الله عليه وسلم خلقة ينشف بها بعد الوضوء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une serviette avec laquelle il se séchait après les ablutions, rapportée par At-Tirmidhi. Et Salman al-Farisi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait ses ablutions et il avait un vêtement de laine donc sur lui qu'il a tourné et avec lequel il s'est essuyé le visage, rapporté par Ibn Majah. Également Anas Ibn Malik radiallahu anhu, il séchait son visage avec des mouchoirs ou bien avec un mouchoir après les ablutions. Donc la personne, qu'elle sèche ses membres parfois et parfois qu'elle les laisse sécher eux-mêmes comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هناك مسألة هل يجزئ الغسل عن الوضوء معنى ذلك إذا اغتسل الإنسان من الجنابة هل يجوز له بعد ذلك أن يصلي مباشرة من غير أن يتوضأ شنو الجواب لا يجزئ دقيقة ها أنا أصبح من اللي قلتي نعم كنت بغيت نسقسيك واش يصلي ولا يدير له الصغير من بعد نتكلم هذه هي فاش جيت دروك الصلو دو السير هادشي يعني الجواب بالنسبة للجنابة يكفي الغسل عن الوضوء أن الحدث الأصغر أن يندرج تحت الحدث الأكبر فإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر الله عز وجل في كتابه يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر أني غير ذلك الإنسان يتطهر ويكفي ذلك عن الصلاة وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوضوء بعد الغسل ناس أتوا إلى عبد الله بن عمر سألوا عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أفضل من الغسل يعني يكفيك رواه عبد الرزاق وقال حذيفة بن اليمان ما يكفي أحدكم أو ما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه يعني من رأسه إلى قدمه حتى يتوضأ الإنسان قد غسل بدنه كله لماذا يتوضأ بعد ذلك رواه ابن أبي شيبة فإن كان الغسل غسل حدث يكفي عن الوضوء لا حتى لو نوى يعني رفع الجنابة يكفي شخص عليه جنابة يذهب يغتسل يمكن أن يصلي الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهر وإن لم يتوضأ أثناء الغسل لو شخص مثلا انغمس في النهر وقد نوى رفع الحدث يكفي يعني يجوز له أن يصلي مفهوم ولكن هذا كان الغسل عن حدث أن هناك أغسال تكون من غير حدث مثل غسل الجمعة مثلا أو غسل العيدين هذا يعني سببه ليس الحدث فهذا لابد من الوضوء بعد غسل الجمعة فالحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر لكن بالنسبة لغسل الجمعة ليس هناك حدث ولا لا ليس هناك ها؟ ولو استعمال الصابون ولا لا ما عندناش ما الصابون ما عندوش علاقة بالموضوع لا مثلا اغتسل بالماء ولكن استعمال الصابون من بعد استعمال الصابون في جسده كله لأن هنا الغسل بالماء فقط للماء حتى لو استعمل الصابون نعم هذا هو المقصود حتى لو استعمل الصابون كيما خص خاص الجمعة لا ولو توضأ لو مثلا شخص للجمعة يعني نوى غسل الجمعة مثلا واغتسل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالوضوء لا بد أن يتوضب لأن هذا الغسل ليس لرفع الحدث عندما تغتسل الجمعة ليس لرفع الحدث فيما يخص الإحرام نفس الشيء غسل الإحرام ليس لرفع الحدث ولدخول في الإحرام غسل الحدث هو غسل الجمعة غسل الجنابة غسل الحيض غسل النفاس فقط فمن اغتسل يوم الجمعة من اغتسل يوم العيد من اغتسل الأغسال التي ذكرناها المستحبة عند الإحرام لابد أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي من دخل عمرة وحج يعني يغتسل يعني كما يقولوا يتوضأ للغسل كل طيب دليل على ذلك أن الغسل ليس للحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء مفهوم؟ فالغسل هذا ليس للحدث هو للدخول في الإحرام فلا يرفع حدثا نعم لا بد دونك الغسل اسكيل سوفي ou bien est-ce que nous avons besoin de faire les ablutions donc nous avons expliqué dans le cours précédent déjà qu'il y avait plusieurs sortes de grandes ablutions il y a plusieurs causes des grandes ablutions nous avons expliqué qu'il y avait donc des causes obligatoires comme al-janaba, comme al-hayd comme la nifas ça c'est des choses obligatoires la personne qui est janaba elle doit faire les grandes ablutions la personne après les menstrues elle doit faire les grandes ablutions après le nifas également les loshi elle doit faire les grandes ablutions donc en ce qui concerne ce cas là si la personne elle est en état de janaba si elle fait les grandes ablutions ça lui suffit et elle peut ensuite aller faire la prière sans faire les ablutions après car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit wa in kuntum junuban fattahar si vous êtes en état janaba purifiez-vous il n'a rien cité de plus que cela et au contraire il a cité les ablutions juste avant ya ayyuhallazina amanu idha kuntum junub idha kuntum ila as-salah فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه وان كنتم جنبا c'est-à-dire اذا قمتم الى الصلاه وكنتم جنبا فتطهر si vous voulez faire la prière et que vous êtes en janaba donc purifiez-vous et Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما un jour on lui posa la question sur les ablutions après el ghusl il a alors dit et quelles ablutions meilleur que le fait d'avoir fait les grandes ablutions. Donc ça suffit, et on n'a pas besoin de refaire les petites ablutions après El-Rusl. Et Hudhayfa, il a dit, ne suffit-il pas à l'un d'entre vous d'avoir lavé tout son corps, des pieds jusqu'à la tête, pour qu'il ait ensuite besoin de faire les ablutions? Donc la personne, elle se contente de faire El-Rusl, de faire El-Rusl, et elle n'a pas besoin de faire les petites ablutions juste après. Donc ça, c'est ce qui concerne les grandes ablutions qui ont pour but d'enlever al-hadath. Comment on peut traduire al-hadath? Hein? Non, pas l'impureté. C'est-à-dire la souillure, voilà. Qui nous permettent d'enlever la souillure qui est la janaba. Ensuite, nous avons d'autres grandes ablutions qui n'ont pas pour but d'enlever une souillure, comme par exemple ghusl du jour du vendredi, ghusl le jour de l'Aïd, ghusl de l'Ihram, etc., etc. Cela, ils n'ont pas pour but d'enlever al-hadath. Pour preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il a incité à demander aux gens de faire al-ghusl yawm al-jumu'ah, c'est que les gens il venait à la prière du vendredi, voilà, dans leurs vêtements de travail. Certains même avaient des vêtements en laine. Il y en a même qui disaient Kana aniyasduru minna rihu ad-da'n. Certains d'entre nous, à cause de cette laine, ils avaient la même odeur qu'un mouton. Donc le prophète a dit ensuite Man atal jumu'a falyaghtasil. Donc le but, ce n'est pas pour enlever la souillure. Ghusl al-ihram. Ce qui prouve que ce n'est pas pour enlever une souillure, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Asma bint Umays, lorsqu'elle a accouché au Miqat, de faire ghusl al-ihram, alors qu'elle ne pouvait ni prier ni rien du tout. En ce qui concerne ces grandes ablutions là, il faut que la personne fasse ses ablutions après. Il faut que la personne fasse ses ablutions après. Donc la personne qui fait ghusl al-jumu'ah, il faut faire les ablutions après, parce que ghusl al-jumu'ah, le but n'est pas d'enlever quelconque souillure. C'est clair ou pas la différence entre les deux? Ça n'a rien à voir. Non, non, non, c'est pas que ça n'a rien à voir. Mais là, c'est le ghusl al-janaba. Et comme on a dit tout à l'heure, ghusl al-janaba, de toutes les manières qu'il ait lieu, il enlève la janaba. Même si tu ne fais pas tes ablutions. Même si tu plonges dans un bassin, tu peux prier après. Ghusl al-jumu'ah. Même si tu fais tes ablutions pendant le ghusl, tu dois refaire tes ablutions après, parce que le but, ce n'est pas d'enlever une souillure, mais le but, c'est de se purifier pour aller à la prière. Chef, si on fait le sexe, par exemple, pendant le sexe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début des grandes ablutions, kana yarsilu farjahu. Donc si à ce moment-là, la personne la touche, il n'y a pas de problème, mais après, il ne faut plus la toucher, sinon on doit refaire les ablutions. إذن صفة الغسل باختصار أولا النية أن تنوي غسل الجنابة التسمية يعني قياسا على الوضوء تقول بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من غير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم غسل الفرج حديث ميمونة ثم غسل اليدين بمنظف كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالأرض ثم يتوضأ الإنسان للصلاة يجوز له أن يؤخر الرجلين كما مر معنا في حديث ميمونة ثم يخلل شعره بأصابع حتى يرى أنه قد أروى بشرته ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل سائر الجسد. هذه صفة الغسل باختصار. Donc la manière de faire les grandes ablutions, donc en résumé, donc la personne elle formule l'intention, donc dans son cœur, de faire ghusl al-janaba. Donc l'intention, c'est ce qui diffère les lavages les uns les autres. Si la personne, elle se prend une douche seulement pour se rafraîchir, ce n'est pas une adoration. Donc là, c'est une adoration. Donc la personne, elle formule l'intention de faire ghusl al-janaba. Ensuite, donc, le fait de dire bismillah. Donc, par analogie, par rapport aux petites ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne fait pas ses ablutions, il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la personne, donc, après avoir dit bismillah, lave ses mains trois fois avant même de les rentrer dans le récipient. Ensuite, la personne lave ses parties intimes, le hadith que nous avons vu, hadith Maimouna. Ensuite, la personne relave ses mains avec une chose purifiante, comme du savon ou autre chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lavé ses mains avec de la terre pour enlever l'odeur, donc après avoir lavé ses parties intimes. Ensuite, la personne fait ses ablutions comme pour la prière. Et donc, comme nous avons dit, la personne a le choix entre laver ses pieds, donc à ce moment-là, ou bien les laisser à la fin. Ensuite, la personne donc frictionne ses cheveux avec ses doigts jusqu'à faire arriver l'eau jusqu'au cuir chevelu. Ensuite, la personne verse de l'eau trois fois sur sa tête. Ensuite, la personne lave le reste de son corps. Et donc, si elle n'avait pas lavé les pieds, elle les lave à la fin. Donc, c'est ça brièvement la manière de faire les grandes ablutions, donc la manière parfaite de faire les grandes ablutions. Qu'est-ce que c'est, elle? Que ce soit pour Janaba ou Jumaa, on fait comme ça. Cette manière-là, elle est pour le Janaba ou le Jumaa ou l'Aïd ou l'Ihram. Est-ce qu'après, vous avez pour faire le dos? en ce qui concerne l'eau après le ghusl, ce n'est pas lié au fait que tu aies fait tes ablutions ou pas au début. C'est au fait que le but de ghusl al-jumu'ah, le but de ghusl al-jumu'ah, ce n'est pas d'enlever une souillure. Le but, c'est de se laver et de s'embellir pour le jumu'ah. Et si d'abord j'ai fait l'eau et ensuite je lave mon corps, j'ai toujours l'eau. Quand tu as fait ghusl al-jumu'ah, ton but, ce n'est pas de faire les ablutions. C'est ça que je vais te faire comprendre. Pareil pour ghusl janaba. Ghusl janaba, même si tu ne fais pas tes ablutions au milieu, tu peux aller faire la prière. Du fait que le but dans ghusl janaba, c'est d'enlever la souillure. Man Taban Yatawadda Asna Asna Abu Nam Yatawadda. C'est là, là. نفس طريقة الوضوء عندما يتيمم للوضوء أن يضرب يديه بالأرض أو التراب أو الحجر ثم يمسح وجهه وكفه. نعم. في القرآن قل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. Vous commencez par la droite. Dans certaines versions du hadith, la personne commence par le côté droit du corps. Après le côté gauche. Non, ça y a rien par rapport à ça. Le côté droit de manière générale. Ah, le Hajj. Là, ce n'est pas une obligation de frotter le corps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a versé de l'eau sur son corps. Il n'a pas pressé sa main pour frotter. Et comme on avait dit tout à l'heure, la personne donc peut se contenter de plonger dans un bassin et la personne à ce moment-là, elle fait les grandes ablutions. Et donc le shart, la condition de rousse, c'est ta'mim al-ma bil badan, ta'mim al-badan bil ma. Le fait donc que l'eau atteigne tous les endroits du corps. C'est ça qui est le important dans le rousse. Hein? Le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'aux coudes, ensuite passez vos mains mouillées sur vos têtes, et ensuite lavez-vous les pieds. Et si vous êtes en état de janaba, donc purifiez-vous. Là, là, là. القيام القيام للصلاة كل القيام نأخذ الحديث الذي ايوا واسيت بسم الله صلاه وضوء الصلاه خليت علاش غسلت كل شيء؟ علاش غسلت؟ لا الوضوء يكون في بدايه الغسل ماشي في الاخر. هو الاول الانسان يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضا وضوء للصلاه عادي يغسل راسه وعادي يغسل جسمه. عادي يغسل جسمه على حساب الجنابه. نعم. النية. لا النية تكون في الأول. فهمت. شوف النية هي في الأول ثم التسمية ثم تغسل يديك ثلاث مرات. اسمع. النية ثم التسمية ثم تغسل يديك ثلاث مرات تغسل فرجك ثم تغسل يديك بمنظف ثم تتوضا وضوء للصلاة ثم تخلل شعرك تخلل شعرك ثم تفض الماء على الشعر ثلاث مرات ثم تغسل سائل الجسد هذا هو الغسل Voilà. علاش لا لا يجوز الماء لا لا إشكال الماء الذي يعني اختلط بطاهر يبقى طاهر الماء الذي اختلط بطاهر يبقى طاهر ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم في غسل في تغسيل الميت قال اغسلوها بماء وسدر ويجوز لنا نتوضا بماء البحر وهو شديد الملوحة فالماء الذي اختلط بطاهر فهو طاهر ناخذ الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد Donc le hadith qui suit, Abdullah ibn Omar, il nous dit que Omar ibn Khattab a dit au prophète, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir alors qu'il est en état de janaba? Le prophète il lui a dit oui, si l'un d'entre vous fait ses ablutions, c'est-à-dire les petites ablutions, il peut alors dormir. Abdullah ibn Omar, يقول أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني قال هذا فيه جواز يعني منادات الأب وكذلك تسميته باسمه وليس في ذلك يعني منقصة للأب عبد الله بن عمر كان بارا بوالده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومع ذلك في كثير من الأحاديث يقول قال عمر ولا عيب في ذلك ولا يعتبر ذلك يعني عقوقا للوالدين ولا منقصة لهما فمما يدل على بر عبد الله بن عمر بأبيه ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال له عبد الله بن عمر ألست ابن فلان ابن فلان فقال الرجل بلى فأعطاه الحمار وقال أركب هذا والعمامة أشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامتك كنت تشد بها رأسك فقال عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه يعني أبا هذا الأعرابي كان صديقا لعمر Donc Abdullah ibn Omar, il nous dit que Omar ibn al-Khattab a dit au prophète. Donc vous remarquerez que Abdullah ibn Omar, donc qui est le fils de Omar, il n'a pas dit « Inna Abi, mon père » ou bien « Inna Walidi ». Il a cité son père par son nom. Et il n'y a pas de problème à cela, et cela n'est pas considéré comme un mauvais comportement de l'enfant de citer son père par son nom. Et ce qui prouve également le fait que Omar ibn Omar respectait grandement son père, le chef des croyants Omar ibn Khattab. Un jour, donc lorsque Abdullah ibn Omar il se rendait à la Mecque, il avait avec lui donc un âne sur lequel il montait donc lorsqu'il était lassé de sa haute monture. Et il avait également un turban, une imama, avec laquelle il donc serrait sa tête. Un jour, il était sur son âne et est passé à côté de lui un bédouin. Abdullah ibn Omar lui a dit « N'es-tu pas un tel le fils de un tel ?» Le bédouin il lui a dit « Si ». Abdullah ibn Omar lui a alors donné son âne et il lui a donné sa imam. qu'en rencontrant ce bédouin, Abdullah ibn Omar lui a dit, n'es-tu pas un tel, le fils d'un tel? L'homme lui a dit oui. Abdullah ibn Omar lui a donné son âne et sa imama. Et les gens qui étaient avec Abdullah ibn Omar, ils ont dit, qu'Allah te pardonne, tu as donné ton âne à ce bédouin et tu as donné également ta imama. Il a alors dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi le meilleur comportement que l'on peut avoir donc avec ses parents, le fait d'être en bon terme avec la famille, donc des amis des parents. Et cet homme et le fils, son père était un ami à Omar. Donc c'est pour cela qu'il lui a donné tout cela. Donc le fait que Abdullah ibn Omar ait appelé son père, ou bien a cité son père sans dire que, en le citant par son nom, n'est pas considéré comme un mauvais comportement ou un manque de respect par rapport à son père. إذن يقول عمر بن الخطاب يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. نستفيد من هذا الحديث عدم الاستحياء من السؤال عن ما يشكل. فمن الناس من يستحي أن يسأل في مثل هذه المسائل، يعني مسائل الجنابة، مسائل الحيض، مسائل النفاس، مسائل الاحتلام. فكل أمر متعلق بالدين ينبغي للإنسان أن لا يستحي من السؤال عنه، وطبعا باختيار أحسن الألفاظ. أحسن الألفاظ. Donc également, on peut tirer de ce hadith que il ne faut pas avoir honte de poser des questions sur toutes les choses qui posent un problème. Donc Abdullah ibn Omar ibn Khattab, il a posé une question concernant al-janaba. La femme peut poser des questions sur les choses qui sont liées au menstru, ou bien nifas, ou bien l'ihtilam. Toutes ces choses-là, il ne faut pas que la personne ait honte de poser des questions, car c'est des choses liées à la religion. Il se peut que tu aies honte de poser une question par rapport à cela, et qu'ensuite tu fasses la prière, et ta prière ne soit pas acceptée. Et toujours, bien sûr, si la personne pose des questions, en choisissant les meilleurs termes et les meilleures phrases. Kadalika nastafidu حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التفقه في الدين، لأنه سأل مسألة من المسائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يتوضأ إذا أراد أن يرقد وهو جنوب، قال أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم. إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الوضوء ليس بواجب، هذا الوضوء ليس بواجب، إنما هو مستحب، مما يدل على استحبابه أن ورد هذا الحديث في سنن ابن حبان، في صحيح ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ إن شاء، يتوضأ إن شاء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالخيار. إذن الإنسان الجنوب له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يغتسل، هذا هو الأفضل، أن يكون جنوبا يغتسل ثم ينام، هذا هو الأفضل. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم واغتسل خلف كل واحدة، اغتسل تسع مرات في ليلة واحدة. فقيل له لماذا تفعل ذلك، لماذا لم تكتفي بغسل واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطهر وأطيب وأطهر. والحديث رواه الإمام أبو داود. الحالة الثانية أن يتوضأ، الحالة الثانية أن يتوضأ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر هنا. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، متفق عليه. والحالة الثالثة أن ينام دون أن يمس ماء، وهو أدنى المراتب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Omar ibn Khattab radiallahu anhu de faire ses ablutions s'il voulait dormir en état de janaba. Le fait de faire ses ablutions à ce moment-là n'est pas une obligation. du fait qu'il y a une version de ce hadith dans Sahih ibn Hibban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yatawadda insha, qu'il fasse ses ablutions s'il veut. Et donc la personne donc, qui est en état de janaba le soir et qui voudrait dormir, il y a trois degrés. Le plus haut des degrés, c'est que la personne elle fasse les grandes ablutions avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit il a tafa ala nisa'ihi, c'est-à-dire qu'il est parti voir chacune de ses épouses et il a fait el rusl après chacune d'entre elles, c'est-à-dire 9 fois sallallahu alayhi wa sallam il a fait le rusl. Lorsqu'on lui a dit pourquoi ne t'es-tu pas contenté d'un seul rusl après donc avoir fait tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a alors dit hadha azka wa atyab wa athar, cela est plus pur et plus propre. Donc ça c'est le meilleur des degrés. Si la personne peut faire les grandes ablutions, c'est mieux. Le deuxième degré, c'est que la personne donc elle fasse seulement les petites ablutions. Elle fasse les petites ablutions ensuite qu'elle dorme, comme le conseil qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar. Et le troisième degré, et qui est le moins bon des trois, le fait de dormir donc sans faire ni ablution ni rusl. وكذلك يستحب للجنوب إذا أراد أن يعود إلى الجماع أن يتوضأ. ثم أراد أن يجامع مرة ثانية يستحب له أن يتوضأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. وجاء في رواية فإنه أنشط للعوز. Également, il est conseillé à la personne qui serait en état de janaba et qui voudrait réavoir des rapports conjugaux de faire les ablutions. Entre deux rapports, de faire les ablutions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous donc, veut avoir ou bien a eu des rapports et qu'il désire ensuite recommencer, qu'il fasse les ablutions entre les deux rapportés par Imam Muslim. وبصفة عامة يستحب لكل من أراد أن ينام أن يتوضأ. يستحب لكل من أراد أن ينام أن يتوضأ لما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إلي وفوضت أمري إليك. Donc également de manière générale, il est conseillé à la personne, toute personne qui voudrait dormir, de faire ses ablutions. Donc il faut que la personne, avant de dormir, elle fasse ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Al-Bara ibn Azib, lorsque donc tu vas te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière, ensuite allonge-toi sur ton côté droit. Ensuite allonge-toi sur ton côté droit, ensuite dit donc l'invocation connue qui est Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk wa fardtu amri ilayk wa ja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk. Une chose est là. On a le janaba le vendredi. Tu fais le janaba, ensuite tu vas à la mosquée. Parce que tu peux. Le but pour la prière du vendredi, comme on a dit, c'est de se purifier pour accomplir la prière. Donc tu fais comme intention rusl al-janaba, et cela suffit. Et cela suffit, Inch'Allah. Et si on fait avant moi, je dis que tu dis pas le vœu. Quand ? Dans quel cas ? Dans quel cas ? Dans le rusl al-jumu'a. La rusl al-jumu'a, il faut faire les ablutions après. Mais moi, je ne faisais pas. Inch'Allah, à l'avenir, fais les ablutions après, Inch'Allah. Inch'Allah. À l'avenir, fais les ablutions. Hein? Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que المرأة اللي عندها ضفائر يعني لا تنقضها. لأن أم سلامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة تشد ظفر رأسي أفأنقضها لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على رأسك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وصلى الله نعم Les deux. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.